Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Quatrième épisode, Universitas Vitae. Enfin était venu le moment longtemps attendu où, avec la dernière année du siècle, nous pûmes claquer derrière nous la porte du lycée à Borré. Il avait été décidé depuis toujours au sein de la famille que j'étudierais à l'université. Mais pour quelle faculté me décider ? Mes parents me laissaient une pleine liberté de choix. Mon frère aîné étant déjà entré dans l'entreprise industrielle de mon père, rien ne pressait pour le second fils. Il ne s'agissait après tout que d'assurer à l'honneur de la famille un titre de docteur, peu importe lequel. Et, bizarrement, le choix m'en était tout aussi indifférent. Comme j'avais depuis longtemps voué mon âme à la littérature, aucune des disciplines scientifiques enseignées ne m'intéressait en elle-même. J'avais en outre une secrète méfiance à l'égard de toute étude universitaire, méfiance qui aujourd'hui encore n'a pas disparu. Pour moi, l'axiome d'Emerson, que les bons livres remplacent la meilleure université, est resté inébranlablement valable, et je suis toujours persuadé que l'on peut devenir un excellent philosophe, historien, philologue, juriste ou tout ce qu'on voudra, sans avoir mis les pieds à l'université, ni même au lycée. Le critère qui détermina en fait mon choix ne fut donc pas de savoir laquelle des disciplines m'occuperait le plus intérieurement, mais au contraire laquelle me chargerait le moins et me laisserait le plus de temps et de liberté pour me consacrer à ma véritable passion. Je me décidai finalement pour la philosophie, ou plutôt pour la philosophie exacte, comme on l'appelait chez nous selon le vieux schéma. Mais ce ne fut vraiment pas par le sentiment d'une vocation intérieure, car mes aptitudes à la pensée purement abstraite sont des plus bornées. Tout ce qu'on nous demandait, c'était de présenter une thèse et de passer quelques examens à la fin du 8e semestre. C'est ainsi que j'arrêtai de prime abord une répartition de mon temps. Pendant les 3 premières années, je ne m'occuperai pas du tout de mes études, mais la dernière année, je maîtriserai par un travail acharné la matière du programme et je rédigerai le plus rapidement possible une thèse quelconque. L'université m'aurait ainsi donné tout ce que je lui demandais, quelques années qui me permettraient de vivre et de pousser mes efforts artistiques dans une pleine liberté, Universitas Vitae. Si j'embrasse d'un regard toute ma vie, je me rappelle peu de moments aussi heureux que les premiers de ce temps d'université sans université. J'étais jeune et, de ce fait, je n'avais pas encore le sentiment que la responsabilité m'incomberait de produire une œuvre parfaite. J'étais assez indépendant. Le jour avait 24 heures et tout m'appartenait. Je pouvais lire et travailler à ce qui me plaisait sans avoir de compte à rendre à personne. Le nuage des examens ne se montrait pas encore à l'horizon dégagé, car enfin, comme 3 années paraissent longues quand on a 19 ans, comme on peut les faire riches et pleines et abondantes en surprises et en cadeaux de toutes sortes. Avant tout, je commençais par rassembler mes poèmes en un choix que je croyais d'une implacable sévérité. Je n'ai pas honte d'avouer qu'à 19 ans, alors que je venais de quitter le lycée, l'encre d'imprimerie me paraissait le parfum le plus suave de la terre, plus suave que l'essence des roses de Shiraz. Chaque fois qu'une de mes poésies était acceptée par un journal, le sentiment de ma propre valeur, qui de nature était assez chancelant, en recevait une nouvelle vigueur. Devais-je dès maintenant prendre mon élan pour le bond décisif et tenter la publication d'un volume entier ? Les encouragements de mes camarades, qui croyaient plus en moi que je n'y croyais moi-même, me décidèrent. J'envoyai assez audacieusement mon manuscrit à la maison d'édition alors la plus représentative de la poésie lyrique en Allemagne et, prodige et présage, bientôt se succédèrent ces instants de bonheur inoubliables qui ne se renouvelle plus dans la vie d'un écrivain, même après les plus grands succès. Vint une lettre au monogramme des éditeurs, que l'on serra impatiemment entre ses doigts sans avoir le courage de l'ouvrir. Vint cette seconde précieuse où on lut, en retenant son souffle, que les éditeurs s'étaient décidés à publier le livre et s'assuraient même un droit de priorité pour les suivants. Vint le paquet des premières épreuves que l'on dénoua avec une excitation sans borne afin de voir les caractères, la composition, l'aspect embryonnaire du livre et ensuite, après quelques semaines, le livre lui-même, les premiers exemplaires que l'on ne se lassa pas d'examiner, de palper, de comparer une fois encore, une fois de plus. Puis ce fut le pèlerinage puéril aux devantures des libraires pour examiner s'il y avait déjà des exemplaires exposés, s'ils paradaient au beau milieu de la vitrine ou se dissimulaient modestement sur les bords. Puis ce fut l'attente des lettres, des premières critiques, de la première réponse venue de l'inconnu, venue de l'imprévisible. Toutes ces tensions, ces agitations, ces exaltations qui me font envier secrètement les jeunes gens qui jettent dans le monde leur premier ouvrage. Liliane Cron et Demel, qui étaient alors les plus éminents poètes lyriques, accordèrent aux jouvenceaux de 19 ans leur reconnaissance cordiale et déjà confraternelle. Rilke, que j'idolâtrais tellement, m'envoya en échange du livre si gentiment offert un tirage à part dédicacé avec gratitude de ses derniers poèmes, que j'ai réussi à sauver des décombres de l'Autriche et à emporter en Angleterre comme un des plus précieux souvenirs de ma jeunesse. Où peut-il bien être maintenant ? Mais la surprise la plus inattendue fut que Max Reger, alors le plus grand des compositeurs vivants avec Richard Strauss, s'adressa à moi pour que je l'autorise à mettre en musique 6 poèmes de ce volume. Que de fois, depuis, j'ai entendu tel ou tel de ces morceaux dans des concerts, mes propres vers, que j'avais moi-même oubliés et reniés depuis longtemps, portés à travers le temps par l'art fraternel d'un maître. À Vienne, il n'y avait en somme qu'un seul quotidien de premier rang, la Neue Freie Presse, qui par sa tenue distinguée, ses préoccupations culturelles et son prestige politique, occupait à peu près, dans toute la monarchie austro-hongroise, la même place que le Times dans le monde anglo-saxon ou le Temps en France. Son directeur, Maurice Bénédicte, un homme au don d'organisateur prodigieux et à l'activité infatigable, consacrait son énergie véritablement démoniaque à surpasser l'ensemble des journaux allemands dans le domaine de la littérature et de l'art. Quand il voulait s'assurer la collaboration d'un auteur célèbre, il ne reculait devant aucune dépense. Il lui envoyait coup sur coup 10 ou 20 télégrammes et consentait d'avance aux honoraires qu'il lui plairait d'exiger. Les numéros spéciaux de Noël et du Nouvel An formaient, avec leurs suppléments littéraires, des volumes entiers où voisinaient les plus grands noms de l'époque. Anatole France, Gerhard Hauptmann, Ibsen, Zola, Strindberg et Shaw se trouvaient pour l'occasion réunis dans ce journal qui a fait plus qu'on ne saurait dire pour l'orientation littéraire de toute la ville, de tout le pays. Progressiste et libéral dans sa conception du monde et de la vie, sérieuse et prudente dans son attitude, cette feuille représentait d'une manière exemplaire le niveau d'exigence culturelle de la vieille Autriche. Mais ce temple du progrès recelait encore un sanctuaire particulier, le feuilleton, qui, à l'instar des grands quotidiens parisiens, Le Temps et le Journal des débats, publiait au rez-de-chaussée, bien séparés de l'éphémère des nouvelles du jour et de la politique, les articles les plus solides et les plus achevés sur la poésie, le théâtre, la musique et les beaux-arts. Là, ne pouvaient se faire entendre que les autorités, ceux qui avaient fait leur preuve depuis longtemps déjà. Seule la solidité du jugement, l'expérience de longues années qui permettait les comparaisons et la perfection de la forme pouvaient ouvrir à un auteur, après des années de mise à l'épreuve, l'accès à ce lieu sacré. Je n'arrive plus à concevoir aujourd'hui comment je trouvais le courage de proposer un petit ouvrage poétique à la Neue Freie Presse. Mais après tout, je ne risquais rien de pire qu'un refus. Le rédacteur du feuilleton ne recevait qu'un jour de la semaine entre 2 et 3, parce que la rotation régulière des écrivains célèbres qui y avaient un engagement ferme ne permettait que très rarement d'y trouver place pour les travaux d'un collaborateur occasionnel. Ce n'est pas sans un battement de cœur que je gravis le petit escalier en spirale qui accédait au bureau et me fis annoncer. Au bout de quelques minutes, le domestique revint m'aviser que monsieur le rédacteur du feuilleton me priait d'entrer et je pénétrai dans la petite pièce tout en longueur. Le rédacteur du feuilleton de la Neue Freie Presse s'appelait Theodor Herzl et ce fut le premier homme de premier plan dans l'histoire universelle que je rencontrai au cours de mon existence. Certes, sans savoir alors quelle prodigieuse révolution sa personne était destinée à opérer dans les destinées du peuple juif et l'histoire de notre temps. À l'époque, sa position était encore ambiguë et son évolution imprévisible. Il avait débuté par des essais poétiques, avait manifesté très tôt des dons éblouissants de journaliste et était devenu le favori du public viennois, d'abord en qualité de correspondant à Paris, puis de feuilletoniste de la Neue Freie Presse. Ses articles, encore aujourd'hui fascinants par l'abondance des observations aiguës et souvent avisées, la grâce du style, le charme distingué, qui, même dans le genre léger ou dans la critique, ne perdait rien de sa noblesse native, étaient ce qu'on pouvait concevoir de plus raffiné en matière de journalisme et les délices d'une ville qui avait cultivé le sens du subtil. Il avait même connu le succès au Burgtheater, qui avait donné une pièce de lui. Et c'était désormais un homme en vue, idolâtré par la jeunesse, estimé de nos pères, jusqu'au jour où se produisit l'inattendu. Le destin sait toujours se trouver un chemin afin d'atteindre l'homme dont il a besoin pour ses desseins, même si cet homme veut se cacher. Theodor Herzl avait vécu à Paris une expérience qui avait bouleversé son âme. Une de ces heures qui changent toute une existence. Il avait assisté en qualité de correspondant à la dégradation publique d'Alfred Dreyfus. Il avait vu arracher les épaulettes à cet homme pâle qui s'écriait « Je suis innocent ». Et à cette seconde, il avait su jusqu'au plus profond de son cœur que Dreyfus était innocent et qu'il n'était chargé de cet abominable soupçon de trahison que parce qu'il était juif. Or, Theodor Herzl, alors qu'il était étudiant, avait déjà souffert dans sa généreuse fierté d'homme du sort des juifs. Bien plus, grâce à son instinct prophétique et à ses prémonitions, il en avait souffert par avance dans tout son tragique à une époque où le danger ne paraissait pas vraiment redoutable. Avec le sentiment d'être né pour devenir un chef, à quoi l'autorisait son apparence extérieure, non moins que l'ampleur de ses vues et sa connaissance du monde, il avait alors conçu le projet fantastique de mettre fin une fois pour toutes au problème juif. Et ce, par l'union du judaïsme au christianisme par la voie de baptêmes volontaires opérés en masse. Pensant toujours en dramaturge, il s'était vu menant en long cortège à l'église Saint-Étienne les milliers et milliers de juifs autrichiens afin d'y délivrer de la malédiction, de la haine et de la séparation, par un acte symbolique exemplaire, le peuple traqué et sans patrie. Il avait bientôt reconnu l'impossibilité de mettre son plan à exécution. Son travail personnel l'avait détourné pendant des années du problème primordial de sa vie, dont il reconnaissait que la résolution constituait sa véritable tâche. Mais dans cette seconde de la dégradation de Dreyfus, la pensée de l'éternelle proscription de son peuple lui traversa la poitrine comme un coup de poignard. « Si la séparation est inévitable, se dit-il, eh bien, qu'elle soit radicale. Si l'humiliation renouvelée est constamment notre sort, répondons-y par la fierté. Si nous souffrons d'être sans patrie, édifions-nous une patrie nous-mêmes. » C'est alors qu'il publia sa brochure, « L'État juif », dans laquelle il proclamait que toute assimilation, tout espoir de tolérance totale était impossible pour le peuple juif. Il devait fonder sa nouvelle, sa propre patrie, dans son ancienne patrie, la Palestine. J'étais encore au lycée quand parut cette brochure succincte qui avait la force de pénétration d'un coin d'acier. Mais je me souviens bien de l'ahurissement général et du dépit de la bourgeoisie juive de Vienne. « Quelle mouche, disait-on avec hargne dans ces milieux, a donc piqué cet écrivain d'habitude si spirituel et si intelligent, si cultivé? Quelle sottise commet-il et se met-il à écrire? Pourquoi irions-nous en Palestine? Notre langue, c'est l'allemand et non pas l'hébreu. Notre patrie, la belle Autriche. Notre situation sous le bon empereur François-Joseph n'est-elle pas excellente? N'avons-nous pas des conditions de vie convenables et une position sociale assurée? Ne jouissons-nous pas des mêmes droits civiques que les autres sujets de la monarchie? Ne sommes-nous pas des citoyens fidèles et solidement établis dans cette Vienne bien-aimée? Et ne vivons-nous pas une époque de progrès qui éliminera en quelques décennies tous les préjugés confessionnels? Pourquoi lui, qui parle en juif et veut servir le judaïsme, fournit-il des armes à nos pires ennemis et cherche-t-il à nous séparer, alors que chaque jour nous rattache plus étroitement et plus intimement au monde allemand? Ce premier moment, tant que son idée avait encore les formes indistinctes d'un songe, devait être le plus heureux de la brève existence de Herzl. Dès qu'il commença à fixer les objectifs dans l'espace réel, à nouer les forces, il dut reconnaître combien son peuple était devenu disparate dans la diversité des nations et des destinées. Ici, les juifs religieux, là, les libres penseurs. Ici, les juifs socialistes, là, les capitalistes, s'enflammant les uns contre les autres dans toutes les langues, et tous aussi peu disposés à se soumettre à une seule et même autorité. En cette année 1901, quand je le vis pour la première fois, il était en plein combat. Il devait encore se partager entre son service mesquin de journaliste et la mission qui était sa vraie vie. Et ce fut encore le Theodor Herzl feuilletoniste qui me reçut. Herzl se leva pour me saluer. Il me tendit la main avec une condescendance cependant pleine de bienveillance. Il me désigna un siège à côté de lui et me demanda « Je crois avoir déjà entendu ou lu votre nom quelque part. Des poèmes, n'est-il pas vrai ?» Je ne pus qu'acquiescer. « Eh bien, dit-il en se carrant dans son fauteuil, que m'apportez-vous ? » Je lui expliquai que j'aurais aimé lui soumettre un petit travail en prose et lui tendis mon manuscrit. Il regarda la page de titre, passa au dernier feuillet pour évaluer la longueur de l'article, puis il se plongea encore plus profondément dans son fauteuil. Et à mon grand étonnement, je ne m'y étais pas attendu, j'observai qu'il avait déjà commencé à lire le manuscrit. Il lisait lentement, sans lever les yeux, plaçant chaque fois sous les autres la feuille qu'il avait parcourue. Quand il eut achevé la dernière page, il plia lentement le manuscrit, toujours sans me regarder, et avec des gestes minutieux, le glissa dans une enveloppe sur laquelle il griffonna une note au crayon bleu. Ce n'est qu'alors, après m'avoir assez longtemps tenu dans l'anxiété par ces opérations mystérieuses, qu'il leva sur moi son lourd regard sombre, et me dit avec une solennité lente et calculée « Je suis heureux de pouvoir vous annoncer que votre bel article est accepté pour le feuilleton de la Neue Freie Presse. » Ce fut comme si Napoléon, sur le champ de bataille, épinglait à la poitrine d'un jeune sergent la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Cela paraît en soi un petit épisode sans importance, mais il faut être viennois, et viennois de cette génération, pour comprendre quelle brusque ascension cette faveur représentait pour moi. Du jour au lendemain, j'étais ainsi promu, dans ma 19e année, à une situation éminente. Et Theodor Herzl, qui, dès cette première rencontre, me témoigna toujours une bienveillance très marquée, saisit ensuite la première occasion qui s'offrit pour écrire dans un de ses articles qu'il ne fallait pas croire à une décadence de l'art viennois. Au contraire, il y avait maintenant, à côté de Hofmannsthal, toute une phalange de jeunes talents dont on pouvait attendre le meilleur, et il citait mon nom en première place. La signification véritable de ma réception solennelle au feuilleton de la Neue Freie Presse se manifesta pour moi dans ma vie privée. J'acquis par là une sécurité inattendue vis-à-vis de ma famille. Mes parents s'occupaient peu de littérature et n'avaient nullement la prétention d'en juger. Pour eux, comme pour toute la bourgeoisie viennoise, était digne de considération ce qui était loué dans la Neue Freie Presse et indifférent ce qu'elle ignorait ou blâmait. Ce qui était écrit dans le feuilleton leur paraissait garanti par la plus haute autorité, car quiconque y prononçait son verdict provoquait le respect par sa seule position. Et maintenant, qu'on se représente une telle famille, qui tourne chaque jour son regard plein d'attente et de vénération vers cette première page de son quotidien, et qui découvre un beau matin, chose incroyable, que le jeune homme de 19 ans, assez peu réglé dans ses habitudes, qui est assis à sa table, qui n'excelle pas à l'école, et dont elle prenait les griffonnages pour des amusements innocents, en tout cas préférables aux jeux de cartes ou aux flirts avec des jeunes filles légères, a été autorisé à prendre la parole en ce lieu qui comporte tant de responsabilités, parmi des hommes célèbres et expérimentés, pour y exprimer ses opinions, dont à la maison jusqu'alors on ne faisait pas grand cas. Si j'avais écrit les plus beaux poèmes de Keats, de Hölderlin ou de Shelley, cela n'aurait pas produit dans tout mon entourage un changement d'opinion aussi total. Ainsi, j'annonçais un beau jour à mes parents, surpris, que j'allais passer à Berlin mon prochain semestre d'études. Et ma famille me respectait trop, ou plus exactement la Neue Freie Presse qui m'avait accueilli dans son ombre dorée, pour ne pas souscrire à mon vœu. Bien entendu, je ne songeais pas à étudier à Berlin. Tout comme à Vienne, je ne mis que deux fois les pieds à l'université au cours d'un semestre, la première fois pour m'inscrire au cours, la seconde pour obtenir l'attestation que je les avais suivis avec assiduité, comme je le prétendais. Ce que je cherchais à Berlin, ce n'était ni des cours ni des professeurs, mais une forme de liberté plus haute et plus parfaite encore. Suivant le conseil de Demel, à qui j'en suis encore reconnaissant aujourd'hui, j'employais mon temps à des traductions de langues étrangères, ce que je tiens encore pour le meilleur moyen dont peut disposer un jeune poète pour saisir le génie de sa propre langue de façon plus profonde et plus créatrice. Ce travail silencieux, et qui demeure au fond sans récompense, réclamant patience et persévérance, vertu dont au lycée la facilité et la témérité m'avaient permis de faire l'économie, j'en vins à l'aimer tout particulièrement. À me livrer à cette humble activité médiatrice des illustres trésors de l'art, j'éprouvais pour la première fois la certitude de faire quelque chose qui avait réellement un sens, qui donnait une justification à mon existence. Dans mon fort intérieur, ma route pour les années suivantes était maintenant clairement tracée. Voir beaucoup, beaucoup apprendre, et seulement ensuite débuter vraiment. Ne pas paraître devant le monde avec des publications prématurées. Connaître d'abord du monde ce qu'il a d'essentiel. Berlin, avec sa marinade fortement épicée, n'avait fait qu'augmenter ma soif. Et je regardais autour de moi, cherchant dans quel pays je ferais mon voyage d'été. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen. De Stéphane Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Quatrième épisode, Universitas Vitae. Prise de son, Stéphane Desmonts. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Bellefonds.